Bon, tout le monde va bien en ce 23 décembre? Oui. Mais oui. Ah, oui. C'est bientôt Noël? Oui. Ouais. Vous avez tous fait votre sapin? Oui. Ça sent le sapin. Et toi, t'as fait ton sapin? Ah oui, alors moi, cette semaine, j'ai fait mon sapin. Et oui, la niaiserie de Noël approche à grands pas. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas gâcher la magie de Noël. Je ne vais pas annoncer en direct que le Père Noël n'existe pas. Et... Oh la boulette! Non, oui, c'est les enfants, le Père Noël existe, c'est mon oncle Jean-Louis, il se déguise tout le temps. Non! Oh, Carrefour Market. Le Père Noël existe, il habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrasate. Je m'en sors bien là? Très bien, c'est mieux. Bon, n'empêche, il vide quoi le Père Noël toute l'année? C'est quand même le seul intermittent du spectacle qui fait tous ses cachets en une nuit. Et vous vous souvenez de ce numéro 36-65? 65! Eh ouais, c'était la ligne surtaxée du Père Noël. On l'adore. Bah, les gens de ma génération connaissent, et les parents aussi. Hein. Certains demandent encore à leurs enfants de les rembourser. Sur 10 ans. C'est mon frère. T'appelais, t'avais le Père Noël, ou t'avais ton père, Joël, qui te disait « Ça suffit avec le Père Noël, la barbe !» Oh là là. Bon, oui. Ça, c'est quand il avait de l'humour. Et après, il rajoutait « Moi, à mon époque, j'avais une orange !» Mais les jeunes qui ont 6 ans aujourd'hui, dans 50 ans, ils diront la même chose. Hein. Ouais. Moi, à Noël, j'avais une pomme. Oui, j'avais un produit Apple. Oh. Et puis, Noël, ce sont les repas en famille, ton oncle raciste. Non, il n'y en a pas chez moi, mais ça me fait beaucoup rire. Tu vois tes grands-parents, ça sent le sapin. Enfin, ça sent l'odeur du sapin, ouais. L'ambiance, quoi. D'ailleurs, c'est triste une vie de sapin de Noël. Hein. Les gens mettent des heures à le choisir chez le fleuriste ou dans la forêt. Ils s'en occupent bien, le décor. Et puis début janvier, ils lui font « Ouais, bah c'était cool, ciao !» Et ils le jettent, voilà. Et oui, Florian, c'est ça la vie du sapin. Ça me rappelle aussi la nana que j'ai ramenée hier soir. Oh non. Je peux préciser à nos auditeurs que t'es parti de la soirée avec Gilles hier soir? Ah oui, c'est vrai. Et alors, j'ai une double vie, j'assume. Vous rappelez qu'hier soir, on a fait quoi hier soir? Oui, voilà. Ah, on a fêté l'anniversaire d'Arnaud, c'est ça? En retard. Oui, en retard. Noël, c'est surtout l'anniversaire de Jésus. Cette année, nous fêtons son 2016e anniversaire. Nom de Dieu! Quand t'apprends ça, ça te cloue. Le bec. Oh! Bien entendu. Oh, elle est bien. Alors, il est né, le divin enfant. Oui, mais où? Dans une étable ou dans une grosse? Dans une grosse. Ou dans une grotte? On a une attaque en direct. C'est dur cette fin d'après-midi. Pauvre Jésus, il sait plus où il crèche. Oh là là, il y en a d'autres. Bon. C'est un festival. Bon, on va pas se mentir, ça part mal pour Jésus. Le gars né sous l'étoile du berger, une étoile jaune à 6 branches. Tu sens que le mec va avoir des emmerdes toute sa vie. Le gars va avoir une vie de juif errant et finir crucifié sur la croix. Pas gamé, hein. Non, il était pas contorsionniste. Oh. Bref, laissons de côté ce détail et revenons à Noël. Jean-Marie, si tu nous écoutes. Et qui dit Noël dit cadeau. Vous avez pensé à faire vos cadeaux? Ouais. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pensé à ouvrir un compte eBay pour la revente le 26. Oh. Ah, attendez, je viens de recevoir une notification de l'AFP. Oh, le scoop. L'AFP dit si le Père Noël existe et il est japonais. Ouais. Oh putain. Bah, voilà. Putain, même ça, ils l'ont racheté. Bravo.